malo qui saoule moi, qui enivre moi, fatigué moi, bousillé cœur moi. Depuis ça moi qu'a flippé, il met sa moto en les moi. Tous les jours moi qu'a monté, mon allo qu'on crabe pour moi bévoyer. Et parler by mes amis. Oh. Mes amis, chaque fois il voit moi t'il la garé, il ca fait derrière case, il veut pas contre l'amour en moi, il bise perdu ou bé, t'es en moi.